Georges ! Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux de très vieux sont choisis. On commande de nos libertés, on manette de nos Ah, voilà. Alors, ça va ? Oui. Sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez, oui, tapons nous. Entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils Bon Dieu, comment ça va ? Ça va, ça va, ça va. Bienvenue à l'Alliance française, madame. Donc, Hein? Merci, Georges. Hola, Mitt.